Radiomatique. C'est le groupe mexicain Mint Field qui avait pour tâche de lancer la transmission 472 d'Audiomatique avec sa pièce Orchidea tirée du tout nouvel album Aprender a Ser, paru le 27 octobre 2023. Et maintenant, c'est au tour du défunt groupe anglais de Smiths d'assurer la continuité à Audiomatique. Away. Nous avions droit à Audiomatic, à la formation américaine de New York Room, de son premier album The Color of Midnight, paru en 1997. Nous vous avons présenté la chanson Psalm of the Cherubim. Précédemment à The New York Room, c'était le groupe anglais The Smiths, de son premier album, qui était homonyme et qui est sorti en 1984. Nous entendions la pièce Miserable Lie. Allons-y maintenant avec une pièce du Dave Brubeck Quartet. Audiomatique, nous venons d'écouter la pièce Negative Land tirée du premier album homonyme de la formation Neu, paru en 1972. Avant Neu, nous écoutions le quartet du pianiste Dave Brubeck et sa pièce Castilian Drums tirée de l'album Countdown Time in Outer Space, paru en 1962. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec Miles Davis.

C'était à Audiomatic, Miles Davis, de qui on entendait la pièce Stuff, qui ouvre son album Miles in the Sky, lancé en 1968. Cette transmission d'Audiomatic se terminera sur la musique du projet Seeming, de qui nous allons entendre la pièce At the Road's End, sur laquelle a collaboré l'artiste Masami Akita à travers son projet Merseball. Cette pièce apparaît sur l'album de Seeming intitulé SOL, A Self-Banishment Ritual, qui est paru en 2017.

Thank you.